ce panneau annonce une interdiction de dépasser et concerne uniquement les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes.